Bonsoir. Bienvenue. Donc moi, je suis... je vais commencer par me présenter. Je suis Bruno, je participe à la Parole errante demain et je m'occupe pas mal de du Café Libéry Michel Fick à côté. Et je participe par ailleurs à la revue Jeff Clack. Voilà. Je vais commencer juste, avant de donner la parole à Olivier, par dire un mot sur cette soirée, donc qui s'inscrit dans le cadre du festival sur la poésie d'Armand Gatti. Alors en fait, cette invitation, c'est un petit écart dans ce festival, dans le sens où Olivier avait déjà été invité pour parler demain à la même heure, je crois, de la poésie d'Armand Gatti. Et par ailleurs, il venait de sortir un petit livre d'intervention qui s'appelle « Contre le théâtre politique à la Fabrique » et à Michel Fir, qu'on avait un peu envie de l'inviter. Et par ailleurs, certains qui participent au collectif La Parole Demain étaient un petit peu intéressés par certaines choses que raconte le livre, et notamment un certain souci à la fois pour le théâtre et pour la politique. Presque contrairement à ce que dit le titre un petit peu provocateur, c'est plutôt un bouquin qui se situe en défense de ces deux champs-là, tout en, mais ça il va le raconter un petit peu précisément, tout en l'inscrivant dans la politique culturelle actuelle. Et donc bah, là je vais juste dire un mot sur La Parole errante demain, pour ceux qui ne connaissent pas, comment dire. Donc ici, on est à La Parole errante. Pendant plus de 10 ans, ce lieu a été géré par Armand Gatti et son équipe, qui donc faisait leur théâtre et en même temps accueillait déjà beaucoup d'autres réalités qui allaient d'assemblées de sans-papiers, des collectifs de chômeurs, des choses comme ça. Et il y a maintenant 6 ans, je crois, le conseil départemental a voulu récupérer ce lieu pour en faire un projet dont il aurait, disons, l'initiative, un projet artistique. Et plein de gens qui avaient été accueillis au cours des années par l'équipe d'Armand Gatti se sont, avec l'accord de l'équipe, qui ne voulait pas, elle, négocier la continuité de la gestion de ce lieu en entier, se sont groupés en collectif pour essayer d'imaginer ensemble un projet pour ce lieu. Et donc en essayant de faire à la fois une continuité avec ce qui s'était passé pendant plus de 10 ans ici, mais à partir de, disons, de réalités un petit peu différentes. Alors après, on peut dire que ce fameux souci pour la politique et le théâtre, c'est quelque chose qu'animait déjà l'équipe Gatti et tous ceux qui travaillaient avec lui, et qui est un petit peu la continuité qu'on essaye de mener, je pense. Bon, avec des choses très différentes. Donc moi, j'ai pas travaillé avec Gatti quand il travaillait ici. On pourrait dire que ce qui s'est passé ici était beaucoup issu des années 60 et de 68, à un moment où un certain nombre d'artistes qui avaient un souci de la politique arrivaient à travailler au sein de l'institution, avec une certaine liberté dans cette institution, donc étaient capables de gérer entièrement des lieux. Et en même temps, leur grand souci, c'était surtout de sortir du théâtre, de sortir des lieux. Beaucoup de gens de La Parole errante, on est plutôt d'une génération où les problèmes se sont posés très différemment, où tous les lieux publics, les services publics étaient plutôt très très démantelés, et il y avait beaucoup de nécessités, et pour ceux qui faisaient de la politique et pour ceux qui avaient des pratiques culturelles, de réussir à se réancrer à nouveau dans des lieux, quoi, de fabriquer des lieux et de les tenir. Disons qu'on est un peu passé de la nécessité de sortir des lieux à une nécessité de... On a beaucoup dit le slogan « Nous avons besoin de lieux pour habiter le monde ». Et je pense que c'est un peu ça qui guide encore aujourd'hui ce qu'on essaye de construire ici. Et je vais passer la parole à Olivier, et donc te demander un petit peu d'essayer de décrire le parcours de ton livre, notamment qu'est-ce que c'est que cette nouvelle politique culturelle macronienne, même si elle a commencé largement avant, et quel type de nouage entre le politique et le théâtre elle induit, elle exige, et qu'est-ce que toi t'imaginerais comme autre type de nouage, pour le dire très vite. Bonsoir, merci pour l'invitation à la librairie Michel Fir, et puis à La Parole errante. C'est un peu émouvant d'être ici, C'est un lieu que j'ai pas mal fréquenté, du temps où il y avait un poète important, très important, juste à côté. Enfin, j'y ai passé pas mal d'heures. Et donc, je suis un peu ému d'être là. En plus, il y a des gens que j'ai pas vus depuis longtemps qui sont là. Enfin, tout ça, ça fait plaisir. Je vais essayer de dire deux, trois choses sur le livre. Mais j'ai rien préparé, donc ça risque d'être un peu erratique. Voilà. Donc, quand vous en avez marre, vous m'arrêtez, on fait autre chose. Je sais pas. Merci, Michel. Le titre est... puis maintenant, comme le livre a 6 mois de vie, je commence à voir des récurrences dans les critiques, etc. Donc je peux commencer à faire le bilan de certaines choses. Et c'est plutôt marrant. Je ne pensais pas que le titre intéresserait à ce point-là beaucoup de gens. Alors que franchement, le titre est pas je ne suis pas pour la fétichisation des titres. Contre le théâtre politique, c'est né parce que mon éditrice m'a dit « t'as envie d'écrire quoi en ce moment ?» Et j'en pouvais plus. Je dis « je voudrais écrire contre le théâtre politique ». Et c'est né de là. Mais ce titre, il est avant tout ironique et polémique. Alors, on m'a beaucoup reproché ces derniers temps d'accréditer, on va dire, une vision de droite idéaliste d'un théâtre pur, abstrait, gratuit, qui s'occuperait d'autres choses. J'ai pas retourné ma veste. En fait, moi, c'est un livre qui s'adresse aux miens, qui s'adresse à notre camp dans la bagarre, quoi. Et je m'en fous, en fait, de parler à la droite. Je m'en fous de parler à la social-démocratie. Elle ne m'intéresse pas. Ce qu'elle peut récupérer du livre, mais très très indifférent. Et je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps à essayer de convaincre l'adversaire, en fait, et à essayer de lui apporter des contre-arguments. Donc, contre le théâtre politique, c'est comme dans nos débats, on peut avoir aujourd'hui des débats sur qu'est-ce que c'est que la convergence des luttes, est-ce que ça existe, patin, couffin, bon, c'est ce genre de questions-là, blabla. Donc j'ai convoqué contre le théâtre politique, mais un peu pour embarrasser celles et ceux avec qui je discute, sachant que par ailleurs... Alors, dans la bagarre sociale, pour le dire vite, c'est la gauche radicale, la gauche révolutionnaire, libertaire ou autre. Enfin, le camp de l'émancipation au sens très large. Hein, et je suis très frappé par ailleurs que les questions culturelles et artistiques soient des questions aussi peu travaillées, qui intéressent aussi peu. Alors, quand il n'y a pas des vraies arnaques, comme en ce moment, pour y revenir, je pense notamment à la ville de Grenoble, qui est en train de redevenir le fer de lance de l'union de la gauche avec les Verts, qui a mené une politique antisociale, avec une grande, grande violence, contre les artistes, contre le monde artistique, au nom de l'élite, c'était l'élite et l'aristocratie, enfermant les bibliothèques dans les quartiers populaires, etc. C'est ça la mairie verte hein, de Grenoble, qui nous est présentée comme le nouveau modèle de recomposition du champ politique. Donc, contre le théâtre politique, c'est ironique, c'est polémique. Et en fait, c'est né d'une interrogation à l'origine. Donc, moi, ça fait quelques décennies que je travaille sur le théâtre politique. Et j'ai eu la chance, je dois le dire, de rencontrer vite Gatti sur ce chemin-là. Je pense que je suis arrivé, j'en parlerai demain, je pense que je suis arrivé pour des mauvaises raisons à Gatti, notamment la question politique, mais on en reparlera demain. Ce qui est sûr, c'est que Gatti m'a peut-être rendu moins bête, c'est très prétentieux, mais à complexifier ce que je pouvais avoir comme idée du théâtre politique. C'est-à-dire qu'il est venu embarrasser ce schéma-là. Mais donc quand j'ai fait ma thèse il y a maintenant 20 ans, hélas... Je raconte ça parce que j'ai fait ma thèse avec un spécialiste de Pierre Corneille et je travaillais sur le théâtre révolutionnaire des années 60-70. C'est-à-dire que dans l'université, travailler sur le théâtre politique, c'était la loose. On n'avait pas le droit de travailler dessus. Les profs nous expliquaient que de toute façon, ce qui s'était fait dans les années 60, c'était ridicule, c'était naze. La plupart, par ailleurs, étaient des renégats. Hein, ils étaient complètement intégrés à l'institution. Et ils venaient nous dire, bon, on a été jeunes à 20 ans, mais enfin quand même, là, c'était pas très intéressant ce qu'on a fait. Et donc moi j'avais trouvé le spécialiste de Pierre Corneille qui avait accepté de chapeauter ce boulot. Et en fait mon souvenir c'est qu'à l'époque quand je travaillais sur ces questions-là, si j'avais 3 spectacles dans la semaine à aller voir, c'était un grand maximum qui traitait de la question politique ou qui s'intéressait à la question politique, c'était une semaine faste. Je me souviens qu'il y avait des textes de Tony Negri qui était monté à la colline, etc. Mais c'était un événement à l'époque, parce qu'il ne se passait rien. Aujourd'hui, si j'étais rentier, si je pouvais circuler un peu partout en France, j'aurais 50, 60, 70, peut-être 80 spectacles à voir par soir qui se réclament de la question politique. C'est-à-dire qu'on a assisté à un changement radical de paradigme. Et c'est en fait mon livre part de là, c'est-à-dire de cette interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 20 ans pour que, il y a 20 ans, c'était le signifiant le plus infamant et le plus stigmatisant, fallait faire de l'art. Et aujourd'hui, une œuvre qui ne se réclame pas de la question politique, au sens, alors c'est grand angle, hein, mais une œuvre qui ne se réclame pas de la question politique est une œuvre qui, en quelque sorte, et à quelques exceptions près, je pense à Claude Régis, mais Claude Régis va arrêter de créer, à quelques exceptions près, après, c'est des œuvres qui n'existent pas dans le champ. Donc en fait, le livre naît de cette interrogation-là, essayer de comprendre. Alors pour ça, j'émets un certain nombre d'hypothèses, mais je ne suis pas très bon pour les hypothèses. Puis le problème des hypothèses, c'est qu'on peut les faire. Enfin, c'est un peu un flux sans bord, quoi. On peut passer sa vie à faire des hypothèses, elles ne sont pas vérifiables, donc y a pas de... Donc, moins que des hypothèses, ce qui m'intéressait de travailler, c'était sur les conséquences. C'est-à-dire, quand on utilise à ce point-là le terme politique, qu'est-ce que veut dire la politique ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait sur le signifiant politique d'être à ce point-là convoqué dans un certain nombre de discours ? Alors, pour redire le schéma général du livre, la première partie, ce qui m'intéressait, c'était la conjoncture. Politique, ça a à voir, me semble-t-il, fondamentalement avec une intervention dans une histoire donnée. Je me méfie beaucoup des politiques idéalistes, abstraites. Vous savez, en plus, c'était très à la mode. Alors, un peu moins maintenant, mais on opposait le politique, hein, qui était nécessairement noble puisqu'il était masculin, à la politique, qui était nécessairement naze parce qu'elle était pleine de compromis, d'alliances, de pratiques. Et donc, faire de la politique, c'est s'inscrire dans une conjoncture. Donc, la première chose, ça a été d'essayer de comprendre la conjoncture. Alors, je vais le faire très, très vite et on pourra revenir dans la discussion, mais... On peut caractériser la conjoncture comme étant néolibérale. Je précise que néolibéral, dans ma bouche, ce n'est pas un cache-sexe pour ne pas dire capitalisme. Néolibéral, c'est une des phases du capitalisme qui a des singularités. Alors, elle a une chose qu'elle n'est pas singulière, c'est que c'est une machine à produire de la privatisation. Enfin, je veux dire, c'est une nouvelle offensive du capital pour privatiser le monde. Ils privatisent les fonds sous-marins, ils privatisent l'air, maintenant on privatise l'eau. Enfin, je veux dire, ils ont privatisé nos rêves, nos nuits. Il y a un livre tout à fait passionnant de Jonathan Crary qui s'appelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le capitalisme à l'assaut du sommeil, où Crary regarde ce qui se passe dans nos nuits à cause du capitalisme. Nous dormons moins bien, nos rêves sont atteints, nos vies sensibles sont atteintes par des processus de privatisation progressive. Bon, mais ça, on pourrait dire que c'est une mécanique structurelle ou ontologique même du capitalisme. Le néolibéralisme a quand même une autre particularité. C'est ce que je dis, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, c'est des choses documentées qui font débat par ailleurs et c'est joyeux qu'elles soient soumises au débat. Le modèle néolibéral est un modèle qui est organisé autour du fétichisme de l'entreprise. Tout doit être organisé comme une entreprise. Donc l'État est organisé comme une entreprise. Et ce qui est tout à fait merveilleux avec Macron, c'est qu'on a quasiment ça à l'échelle chimiquement pure. Je veux dire, la Startup Nation. Et ce qu'on a bien entendu, ce qu'il disait quand il disait Startup Nation. C'est quand même quelque chose, quand on réfléchit de penser une collectivité sociale humaine, alors on peut avoir beaucoup de prévention à l'égard de la nation ou de la patrie, mais une communauté humaine qui est pensée sur le modèle start-upien, ça raconte quelque chose. Bon. Et on voit bien, là, ils sont vantés il y a encore quelques temps, de Macron et le Premier ministre, je me souviens, Martin, d'être des petits DRH, quoi. C'est-à-dire de convoquer les ministres, de leur mettre des notes, etc. Donc tout, même le gouvernement fonctionne comme une start-up, les théâtres fonctionnent aujourd'hui comme des entreprises, avec une violence dans le monde social théâtral qui est ahurissante quand on y pense, alors qui est d'autant plus compliqué que le milieu théâtral est un milieu de gauche. Donc, les salariés qui sont en proie à des humiliations, à des vexations, à des tentatives de casser le code du travail, se sont tout de suite présentés comme des ennemis et de la création et de la gauche et du progressisme. On a eu un certain nombre de bagarres l'année dernière, Béthune, Aubervilliers, Grenoble, et puis il y en a d'autres certainement qui vont naître. C'est un milieu d'immense souffrance sociale aujourd'hui, le théâtre public, parce que les théâtres sont construits comme des entreprises. Et la force du néolibéralisme, c'est d'avoir fait de chacun de nous une petite entreprise, quoi. Le modèle, c'est l'auto-entrepreneuriat, c'est la start-up, c'est l'ubérisation de nos vies, etc. Et le modèle auto-entrepreneurial, c'est un modèle où nous sommes chacun contre tous, à chaque instant en concurrence. Et nous avons en grande partie intériorisé ce mode-là. Alors le milieu théâtral particulièrement, qui est un milieu immensément concurrentiel, avec une absence quand même forte de solidarité, de riposte collective pour essayer d'endiguer cette logique concurrentielle. Mais moi, on a ça dans l'université où chacun rajoute des lignes à son CV pour damner le pion suivant. Donc à l'intérieur de ce moment néolibéral, se dire, tiens, c'est quand même curieux que l'État soit à ce point-là à solliciter aussi un théâtre politique. Parce que la particularité, c'est que l'État convoque la politique aujourd'hui dans les discours, demande aux artistes d'être politiques. Alors ça vient de Manuel Valls, hein, c'est Valls qui a relancé le machin. C'est assez intéressant d'ailleurs de regarder les années Sarkozy étaient assez intéressantes parce que Sarkozy a essayé de casser le ministère de la Culture, il a raté, il avait donné le ministère, il avait créé une commission concurrente qui était la commission Marine Karmitz, du nom de l'homme qui n'a jamais renoncé à aucune saloperie dans sa vie professionnelle. Donc, il avait accepté de devenir le fondateur de cette commission. Et ils ont été tellement mauvais que même Sarkozy a dû, au bout d'un moment, les liquider pour garder le ministère de la Culture. Quoi. Et donc, l'idée, c'était ça. Mais ce qu'a fait Sarkozy, qui était très fort, c'est qu'il a induit une chose dans son discours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait fait une lettre de mission à la ministre, Christine Albanel. Il avait dit, il avait parlé de l'échec de la démocratisation culturelle. En 2007. Et ça, c'est une chose incroyable parce qu'elle a été reprise en cœur par l'essentiel du monde du théâtre public. Qui sait, alors en plus, il y a un truc très chrétien dans le théâtre public, donc ils adorent se mortifier. Et ils étaient très heureux d'avoir une chose pour pouvoir dire on n'a pas complètement été à la hauteur. Et c'est devenu le discours lambda, on a raté. Sans qu'on ait aucun chiffre pour prouver l'échec. Enfin, on ne sait pas. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça va très bien, le théâtre public, qu'il y a un public d'une diversité folle, que le milieu populaire... Mais enfin, on est dans une société d'apartheid social. Je ne vois pas pourquoi le théâtre serait le seul îlot de résistance égalitaire dans une société qui ne l'est pas. Et tout ça a été intériorisé. Et donc, bon, les années Hollande, j'en parle même pas, parce qu'ils n'avaient pas d'idée, hein, ils ne savaient pas quoi faire, à part baisser le budget de la culture. Et puis Valls, après les attentats, a relancé la culture comme une sorte de il a enjoint à la culture de venir reconstituer le tissu social fracassé, etc. Donc on a exigé des artistes qu'ils deviennent productifs. Et en fait, donc j'ai essayé de réfléchir à pourquoi le néolibéralisme, le ministère de la Culture qui va disparaître, hein, c'est dans le projet macronien avec un certain nombre de choses. Alors est-ce qu'il faut regretter le ministère de la Culture? Je suis pas sûr que quand on en aura plus, on aura fait un grand pas vers l'égalité. Donc c'est une question. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de réfléchir à pourquoi le néolibéralisme aujourd'hui enjoint les artistes à faire de la politique. Alors après, on s'entend, hein, c'est une politique, c'est la politique du vivre ensemble, c'est celle qui va venir résoudre la fracture sociale, hommage à l'autre qui est mort hier, etc. etc. Mon hypothèse, c'est que le néolibéralisme ne comprend rien à l'art. C'est-à-dire que c'est une pratique sociale spécifique que l'humanité a inventé et il ne comprend pas, mais vraiment. Alors il peut comprendre des stars qui tournent qui rapportent à l'export, et on a comme ça un certain nombre d'artistes qui sont aujourd'hui hyper crédités par le ministère, mais hyper crédités parce qu'elles alignent les dates, quoi. Enfin, on peut donner des noms. Et par ailleurs, dedans, il y a des œuvres intéressantes, il y a des œuvres qui sont consternantes, mais c'est Joël Pomera, Caroline Guyenne. Enfin, je veux dire, c'est des artistes à l'export qui marchent. Et ça, bon, le néolibéralisme peut comprendre à l'export, c'est une espèce de soft power, ça permet de redorer le blason de l'impérialisme français, etc., etc. Et puis, bon, ça rapporte de l'argent, quoi. Il peut comprendre les artistes qui vont, on va dire, faire de l'animation sociale. Et je précise que je n'ai aucun mépris pour les animateurs sociaux. C'est juste que animateur social, c'est un métier. Et là, aujourd'hui, dans le même temps où on a dézingué la PJJ, les éducateurs, etc., on a demandé aux artistes de venir faire le travail des éducateurs, de la PJJ et des animateurs sociaux. Et que, encore une fois, c'est des métiers. Donc, moi, je vois autour de moi des catastrophes sociales, c'est-à-dire des artistes qui se mettent à faire des ateliers, alors parfois très bien, avec des enfants autistes, etc. Ça peut aussi être des catastrophes sociales. Le problème, c'est que la plupart des artistes qui font ça, la demande implicite qui leur est faite de la part des ministères, des tutelles, des théâtres, etc., c'est de ne pas faire de l'art, c'est de ne pas faire de la poésie, c'est de, en gros, venir occuper, venir animer, venir divertir, ou venir, encore une fois, se substituer à des métiers qui ont été cassés. Ça, le néolibéralisme peut comprendre cette injonction, parce que c'est utile, c'est productif, etc. Ce que le néolibéralisme ne comprend pas, c'est cette masse énorme d'artistes qui, peut-être, à 7 heures, se demandent comment travaille un verre, pourquoi Rimbaud trouve que le A, c'est le vert, enfin, qui se demande pourquoi quelqu'un rentre comme ça et qui essaye de préciser des images, de fabriquer des représentations. Ça, ils ne comprennent pas. Ce qui est par ailleurs intéressant, c'est que Macron s'est fait élire comme un président cultivé. C'était Macron va beaucoup dans le privé, et voilà, mais ce n'est pas grave. Mais c'est pas du tout un président qui a le... Quand on écoute les goûts de Macron, c'est des goûts de bon bourgeois amiennois, quoi. Enfin, je veux dire, il aime Jean d'Ormesson, il aime des trucs comme... Enfin, mais en termes de création, c'est que dalle. Enfin, je veux dire, c'est... presque, on est nostalgique, et je dis presque, hein, entendez bien, c'est ironique, de Georges Pompidou qui aimait Pierre Boulez. Enfin, je veux dire, on est à un endroit où on a énormément perdu à cet endroit-là. Je précise par ailleurs que c'est pas... le raffinement et la sophistication esthétique n'a jamais empêché aucune barbarie. C'est François Mitterrand, qui était plutôt un président très raffiné et qui a participé au génocide du Rwanda, etc., etc. Bref, donc la première question, c'était sur celle de l'État. Pourquoi l'État, les tutelles, enjoignent à ça ? Et d'essayer de réfléchir voilà, à ce qui se passe. Et avec cette chose très violente quand même qui est faite, c'est qu'aujourd'hui, si vous déposez un dossier, quasiment, il faut l'accompagner d'un programme social. Enfin, je veux dire, sinon, on vous reçoit même pas dans un théâtre. J'ai un ami qui me racontait qu'il a fait une petite forme jeune public à l'initiative. Il voulait faire un grand spectacle et donc on lui a commandé une forme jeune public, un truc en prison, etc., etc. Et donc il a fait le spectacle et il y avait deux trois élus qui sont venus voir et qu'on regardait les gamins pendant tout le spectacle. On pas regardé ce qu'ils regardaient. Ils regardaient comment les gamins recevaient la chose, mais la question de l'œuvre en fait est devenue complètement absente des pensées. On ne parle plus d'œuvre, on ne parle plus de poésie, on ne parle plus de création, on parle plus d'art. Ce sont des mots qui sont devenus des gros mots. La deuxième partie, je vais aller plus vite, la deuxième partie, c'était une fois que j'avais essayé de réfléchir à cette question de l'état des tutelles, de l'état du théâtre public, des subventionnements, des financements, de l'état dans lequel on est avec la privatisation progressive aussi du monde du théâtre. J'ai vu là dans l'Express, ils annoncent à grand renfort de tambour que c'est formidable. Muriel Mayette discute avec Jean-Robert Chartier qui dirige le théâtre, je ne sais plus quel théâtre, de la Porte Saint-Martin, et que c'est formidable ces liens entre privé et public. Bon, ça on le connaît partout, je veux dire les partenariats privé-public au nom de l'efficacité, comme si le privé était efficace. Bon, l'idée c'est quand même de flinguer le service public. Bon. Et moi, je pense que c'est un enjeu à gauche. Hein. Qu'est-ce que pourrait être un service public de la culture ? Service public de la culture, ça ne veut pas dire être dans une position purement défensive. C'est comment est-ce qu'on se réapproprie un service public ? Et le service public, ce n'est pas un service au public. Le service public, c'est l'idée que des pans entiers de la société doivent être radicalement exemptés de la loi de la valeur et de la loi de la marchandisation du monde. La deuxième partie, c'est plus par rapport au théâtre dit militant, des interrogations. Je vais le faire là très très vite et puis en fait dans le travail ça fait quelques années, donc moi j'avais fait un premier livre sur le théâtre militant hardcore, révolutionnaire, tout ça, et je continue à penser que le théâtre révolutionnaire c'est pas rien dans l'histoire du XXe siècle, contrairement à ce que racontent les historiens termes d'Orient. Il s'est passé beaucoup de choses, et si on regarde l'histoire du XXe siècle, à cause ou grâce à la politique, des formes se sont inventées. À l'échelle d'un siècle, Vachtangoff, Meyerhold, Brecht, pour des auteurs Gatti, Césaire, Kateb Yassine, c'est gigantesque. Et donc, le théâtre d'art nous a fait croire que l'art ne s'inventait qu'à distance radicale de la politique. Et c'est évidemment, je crois, bon, mais Philippe Hivernel, qui a été le grand spécialiste de ces questions, avait une jolie formule, il disait, il est tout à fait normal que le théâtre des opprimés, que l'histoire du théâtre des opprimés soit aussi une histoire opprimée. Bon. Mais à l'intérieur de ça, en fait, ce qui m'a intéressé, donc l'idée, c'est surtout pas de cartonner des artistes militants. J'ai beaucoup de sympathie pour les militants. Enfin, je trouve ça bien, le théâtre qui naît dans la lutte, le théâtre qui y participe. Le dégoût des esthètes me paraît beaucoup plus vulgaire que le théâtre qu'ils attaquent et beaucoup plus inculte. En revanche, quand j'essaye de penser cette chose-là, je m'aperçois quand même qu'il y a deux points qui me paraissent problématiques. Et, alors, pour le coup, contrairement à la période Macron où l'idée c'est de cartonner, là je les mets au débat. Pour moi, je suis pour qu'on en discute, c'est une contribution. La première chose, dans mon parcours, j'ai lu une œuvre. En partie, Stéphane Gatti est responsable de ma lecture de cette œuvre et je l'en remercie, je lui en sais un gré infini, c'est l'œuvre de Rancière. J'ai lu La nuit des prolétaires, et puis bon voilà, patacoufin, je passe très vite, Le spectateur émancipé. Et l'œuvre de Rancière, ce qui a été formidable, c'est qu'elle m'a détruit mon jeu de l'ego. C'est-à-dire que tout était bien à sa place, puis j'avais une espèce de discours post-brechtien, c'était formidable, le théâtre est le lieu de la prise de conscience, un spectateur arrive, il ne sait pas. Et puis il découvre le monde horrible. Il était raciste en rentrant, il sort antiraciste. Il était capitaliste en rentrant, il sort anticapitaliste. C'est une espèce de truc comme Claudel derrière son pilier, comme je sais pas. Bon. Et ce qui est magnifique avec Rancière, c'est que cette question du savoir, cette question de la prise de conscience est mise en jeu. Et elle devient pour le coup embarrassante. Vous savez, Rancière fait partie de ce petit groupe d'intellectuels dans les années 60 autour de Louis Althusser qui étudie le Capital de Marx à Ulm. Absolument persuadé que quand ils auront extrait la science marxiste, ils vont l'apporter au monde ouvrier qui ne comprend pas, qui ne sait pas qu'il souffre, qui ne sait pas qu'il est opprimé, qui ne comprend pas les raisons de son oppression, et que le monde ouvrier doté de ce savoir-là va devenir militant. Bon, et pendant qu'ils sont en train de préparer le machin, les ouvriers se mettent en grève, il y a 68, et c'est une grosse baffe narcissique quand même de s'apercevoir qu'en fait, c'était peut-être pas le savoir qui manquait. Et d'où Rancière fait une hypothèse, alors je l'ai dit avec mes mots, mais je trouve que c'est une hypothèse magnifique pour le théâtre politique. Encore une fois, c'est pas ces mots, mais me semble-t-il, ce qu'il opère autour des années 68, c'est de dire est-ce que jusqu'à présent, enfin, on croit très souvent que c'est le savoir qui produit des envies de révolte, est-ce que c'est pas plutôt la révolte qui produit des envies de savoir ? Et je trouve que c'est une question intéressante pour une partie du théâtre politique qui se donne comme tâche d'être transmetteur de savoir. Et me semble-t-il, par ailleurs, c'est un problème de nos luttes aujourd'hui et de nos activités militantes de bien souvent confondre politique et pédagogie. J'ai aucun mépris pour la pédagogie, mais me semble-t-il, la politique ne s'épuise pas ou ne se résume pas à une activité pédagogique avec des profs rouges, des profs noirs, des profs verts qui viennent apporter. Donc ma première question, c'est sur ça. Le plateau comme espace de savoir. Et puis la deuxième chose, on a assisté depuis une vingtaine d'années à une floraison de théâtre documentaire. C'est-à-dire tout théâtre aujourd'hui est devenu documentaire. Vous n'allez pas voir un spectacle sans avoir une biblio. Alors c'est très bien, enfin, en soi, je trouve, je trouve que c'est quand même le minimum de lire un peu. Quand on travaille quelque chose, ça ne me paraît pas absolument délirant d'avoir lu quelques livres quand on travaille sur... et je ne vois pas bien où est l'argument, en fait. Ce qui m'a beaucoup troublé dans ces choses-là, c'est que j'ai vu... Et alors, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent que je cartonne le théâtre documentaire. Pas du tout. Tous les exemples que je défends et que je, à une exception près, sont des exemples de théâtre documentaire. Donc, j'ai beaucoup de... Mais mon problème, c'est d'aller voir des spectacles de théâtre documentaire. Si j'avais lu l'article dans Le Monde Diplo, ça revenait à peu près au même. Et ma question, c'est... Est-ce qu'il ne serait pas bien de se dire, est-ce qu'il ne serait pas profitable de se dire, je vais produire un théâtre où la tâche du théâtre documentaire, c'est d'essayer de produire un théâtre qui ferait exister un savoir que seul le théâtre peut faire exister. Voilà. C'est-à-dire, le théâtre ne serait pas un instrument comme un autre, parce que la vidéo est un langage propre. Gatti a bossé sur cette question des langages. La vidéo est un langage propre, la peinture est un langage propre. Et se demander, alors c'est pas une question d'ontologie, c'est de se dire, tiens, quel type de savoir le théâtre peut produire, que lui seul peut produire. Et je dis ça en termes de bagarre, c'est-à-dire que si on veut gagner, il va falloir porter des coups à la domination. Et je me dis, tiens, ça pourrait être passionnant de solliciter le théâtre dans les coûts qu'il peut produire, que lui seul pourrait produire, et pas que d'autres formes pourraient produire. Et dernière question sur ce théâtre politique dominant aujourd'hui de la part des artistes, pour lequel j'ai évidemment beaucoup plus d'affection et d'intérêt que le théâtre, vivre ensemble, etc. C'est la récurrence du terme de réalisme. Depuis très longtemps, depuis un siècle et demi, il va de soi que quand on est progressiste, on lit l'esthétique du progressisme, c'est le réalisme. On a des textes de Proudhon sur Courbet, on a les textes de Marx et Engels sur Balzac. Bon, et on a comme ça une histoire, alors avec quelques exceptions. Le surréalisme en est une, Gatti en est une autre, me semble-t-il. Mais massivement, ce qui fait esthétique dominante de la contestation, c'est le réalisme. Pourquoi pas ? Moi, j'en sais rien. Je dis même que je ne sais pas s'il faut abandonner le mot, le garder, etc. Mais ce qui me frappe dans le réalisme, c'est que j'arrive pas à entendre l'usage du réalisme, sa convocation aujourd'hui, indépendamment de tout le discours du réalisme capitalisme dans lequel nous baignons, qui est le discours du néolibéralisme. Il n'y a pas d'alternative. Toutes les réformes, toutes les contre-réformes aujourd'hui que nous subissons sont des contre-réformes qui sont menées au nom de l'adaptation au réalisme. Il faut être pragmatique. Il y a un livre de Barbara Stiegler qui s'appelle « Il faut s'adapter » qui témoigne de cette chose-là. C'est Jameson, le philosophe Jameson, qui dit, enfin le critique littéraire Frédéric Jameson, qui dit « Le capitalisme est tellement fort qu'il a réussi à nous permettre d'imaginer la fin du monde et même pas la fin du capitalisme ». C'est fort ce qui se passe sur nos imaginaires même. Donc la première chose, quand j'entends le mot réalisme, j'ai beaucoup de mal à pas entendre aussi le « il n'y a pas d'alternative » de Thatcher, même si je vois bien que ça dit pas la même chose. Et puis, et je m'arrête là, je suis très frappé depuis longtemps par un livre que je trouve bouleversant, magnifique, d'une femme qui s'appelle Annie Lebrun, qui est poète, qui est écrivain. Elle ne supporterait pas qu'on dise écrivaine, donc écrivain. Compagne de route de Breton, du surréalisme. Elle a vécu longtemps avec un très grand poète anarchiste, Radovan Ivzik. Et Annie Lebrun, en 2000, elle sort un livre qui s'appelle « Du trop de réalité ». Ce titre est intéressant parce qu'il fait clin d'œil à un texte précédent d'André Breton, des années 30, qui s'appelle « Discours sur le peu de réalité ». C'est-à-dire Breton, dans les années 30, dit « Nous manquons de réalité ». Il a même une formule magnifique, il dit « L'histoire tombe au dehors comme la neige ». On est dans les années 30. Et manquer de réalité dans les années 30, c'est être confronté à la montée du nazisme, des différents fascismes. Donc « Discours sur le peu de réalité ». Au nom des mêmes hypothèses, au nom des mêmes certitudes, la passion, la révolte, l'embrasement amoureux, le merveilleux surréaliste, Annie Lebrun, 60 ans après, écrit un livre qui s'appelle « Du trop de réalité ». C'est-à-dire, au nom des mêmes prémices, elle observe qu'aujourd'hui, nous ne manquons pas de réalité, nous sommes au contraire assiégés, assaillis, envahis, asphyxiés par la réalité. Et que le geste n'est pas le même, le geste n'est pas d'essayer de conquérir le droit à la réalité, le geste c'est au contraire d'essayer d'inventer des distances, d'inventer des écarts, Rancière parle des allègements par rapport à cette notion de réalité. Le livre commence par une analogie, elle fonctionne comme les grands romantiques allemands par analogie, et elle se demande si la dévastation de la forêt amazonienne n'a pas quelque chose à voir avec la déforestation de la forêt de nos imaginaires. Et c'est l'une des premières, me semble-t-il, à avoir désigné le crime sensible que commet le capitalisme sur nos rêves, sur nos vies, sur nos nuits, sur nos négativités. Et en fait, ma question, et c'est une question ouverte, c'est est-ce qu'aujourd'hui, à vouloir, de manière un peu par réflexe spontané, convoquer le réalisme, en considérant qu'il faut convoquer le réel sur scène, il faut donner une forme au réel parce que les gens ne le connaissent pas, que c'est dans la description de ce que vivent les gens qu'une prise de conscience peut se faire, est-ce que nous ne sommes pas, sans être complices, mais est-ce que nous ne sommes pas redondants et homogènes à la façon dont la domination déjà elle-même nous enferme dans son principe de réalité. Je pense, et je m'arrête là, j'étais très frappé par une formule magnifique du philosophe Ernst Bloch, qui pour moi parle tellement de l'œuvre de Gatti, mais Michel, tu le diras peut-être mieux que moi la formule, où Bloch dit « la réalité c'est ce qui est et c'est aussi ce qui aurait pu être ». Et moi d'ailleurs, je trouve que c'est l'une des choses magnifiques dans l'œuvre de Gatti, c'est que Gatti convoque une réalité et convoque la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle aurait pu être, telle qu'elle devrait être, telle qu'elle a été abandonnée, et tout ça dans le même moment. C'est-à-dire que précisément, faire une place à tous, enfin, travailler sur un agrandissement, sur une démesure de cette notion de réalité. Voilà. Bref, tout ça pour dire que l'une des questions que je me pose, et je me la pose avec des amis artistes, moi je suis juste spectateur, j'ai la place super facile, j'arrive après moi. C'est pas moi qui fais le travail, hein. Donc j'arrive, c'est très peinard ma place, et j'essaye de pas être juge, j'essaye de pas être flic, j'essaye de pas être prof, mais mon enjeu, enfin ma question, qu'est-ce qu'on fait de la question du savoir, qu'est-ce qu'on fait de la spécificité du théâtre dans les coups qu'il faut porter à la domination, et est-ce que notre réflexe spontané d'aller chercher du côté du réalisme n'est pas, sous les meilleures intentions du monde, une manière quand même en fin de compte, de se rallier à l'ordre dominant. Voilà, et je m'arrête là.